Depuis mon plus jeune âge, je rêve de gloire de cash. Flow, dois-je passer ma vie en marge d'un système qui me dévisage. Mon panache comme bagage sûr, j'assure mon avenir. Mon futur, je le vois prospère, pas duplex. Busy compte en caisse rempli, grosse sacoche. Borsalino, BM, Porsche, nombreux rêves de mioche m'ont poussé à remplir mes poches. Avenue Foch, gloire pouvoir sortir de la rue. Croire vouloir se battre pour avoir ce qui t'est du nez. Jamais grosse perdue, le monde est devant toi. N'attends pas qu'il débarque. Sors de ton cul de sac du cycle infernal du gel que le bec détraque. De l'ignorance, la délinquance, la violence. Ta soi disant de ma chance que toi-même sème par négligence. Échec, scroller, vice, mauvaise compagnie qui te trahisse. Fils démolis pour reconstruire ceux que tu négliges. Et j'avise, je crois en moi, en toi. Le futur est entre nos mains et rien ne doit pouvoir barrer nos chemins. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan, le bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. Lutte sans le goin, le clan va détonner. Brisé, intempéri, Babylone m'étreint. J'ai des périples paumés à me demander où est le bon chemin. J'suis pas le seul dans ce cas à vivre en astreinte. On est tout un tas près de chez moi à vouloir porter plainte. La populo demande pas l'opulence sans souffrance. Juste représenter, faire acte de présence. Sans papier, sans emploi, on compte plus les laisser pour compte. Pour couronner le tout dans les sondages, le FN monte. Qu'ils fassent leur figure sur la glace pendant qu'elle est encore dure. Donner l'effet de serre, les auront à l'usure. Crilon, ça ne s'efface pas si sûr et non. Y'a trop de NTM peint sur les murs. Bloc par bloc, les cités des blocs. Le lascar moyen vide de troc, chasse le gaz, puis il débloque. C'est de plus en plus tôt qu'il change son dard. Place au jeune avatar, c'est qu'il y a trop de bâtards. Sous les étiquettes et les codes barres. Survie au plus, c'est un système barbare. On ne va pas colmater la facture sociale de plat de pluie. Et ailleurs, on ne devrait avoir dans ses yeux. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse. Jamais demandé à t'avoir, c'est avec ces formules trop saoulées. Enfin, faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'y ai vu. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Je veux entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les temps assez longs pour croire que la vie profitait de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de serein en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être du côté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse, mais laisse pas traîner ton fils. Y'a les lois, la rue et les lois de la rue, les nécessités, contraintes. Petite pute qui porte plein de flics, facho, fâché, popo caché, fouille musclée, insulte raciale, bref, des nuits cachées. J'donne ma vision des faits vus de l'intérieur, prends pas peur si tu comprends pas, faut que tu vois ça. Même la poule est en robe du Wonder Woman. Et stupe portrait ban, vrai caïd de Wayman. Mais personne nous contrôle vraiment à part le fric, le sale fric. Question de sous plus vif qu'un sale flic. Rien ne marche, riche nargue, schnapp en chasse avec hargne. Caillasse charme, sur la justice on s'acharne. Pourquoi la rage mon frère? Tourner la page sur les bavures noires. Comment faire en restant dur envers le système plein de mystères? Niveau ministère de la jeunesse, beaucoup de jeunes en poster dans les bureaux. Et qu'on vient derrière des barreaux ou dehors, planqué dans un coin avec une pique ou un garrot. Que ça plaise ou pas, je représente la délinquance. Un impertinent de plus faisant face aux conséquences. J'emmerde la ham, mon arme organe vocaux. Des gains bouches, c'est un braco haut de gamme. Coco, des potes se retrouvent en prison. Pourquoi ma foi le fric? Non, c'est pire des fois, les flics manquent de proie. Les villes du FN en profitent, les comptes qui épitent. Escroc évolue dans nos rues, salut la nuit, les loups font du bis, les cerbères sont à l'affût, le prolétaire du PMU, fonce les hauts rouges, va te viser, halte sur l'asphalte, tout est si vite arrivé, bienvenue dans les cités où la la police ne va plus. Nos hypotes récoltent le fruit d'actes désinvoltes, survoltent et comme des pites survoltent, craquent avec leur colt. Un coup de pression. Vas-y, baisse les yeux, salope. Deux, course poursuite. Voilà les flammes sur le macadam. Ça part en vrille, se nique et se bousille. Plus de combat dans la ville, ça se trouve et s'enfile. Pour tous ces mêmes butins, la réputation. Il faut le butin et ça se bute pour des histoires à franc 1. Ça brûle à la mémoire du disparu, trop long vu. Croqué, coqué, t'es choqué. Ok, c'est déréglé, mais nous sommes des satellites sans orbite. Dès l'enfance, je sais que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfance, je sais que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfance, je sais que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Dès l'enfance, je suis sûr que c'est toi. Viens du débat fond, des quartiers neufs. Bref, au fond, tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? T'es l'enfant seul, c'est pas facile, on se comprend, peu le savent, que je le sache, ça te surprend. Ils matent par la vitre, la solitude qui mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère, disent-ils, ils n'en discutent pas, confondent la rime et l'acte. La fuite et le suicide impact, une promo sans traque, pas trop de mots. Nobody n'a capté le sale, soit l'envie de se laisser par le coup pendu. Pour punir les parents qui pourraient aimer l'enfant trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise l'ancien sentiment, ciment, sinon dans 6 ans. On retrouve 6 ans dans le crâne dans le MD, il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Appelez-moi le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je dis, 2 secondes, sors de mon sac à calibrer la braque. Les gens derrière qui étaient si impatients, maintenant s'écartent. MD, ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, y'a plein de billets, plein de pièces. Je dis, un Mac morning où je tire. 3 minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Je voulais juste un Mac Morning. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, même je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon genre. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon genre. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, même je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon genre. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon genre. Alors je suis recherché. Les coffres me traquent, black une meuf me drague. La go blague, me dit des trucs vagues. Je dis, tu sais que t'es un beau blague. Non, je t'assure sans règle. Dès que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec. Je suis de qui tu te moques. Toi, tu veux ma quéquette. Tu veux que je te pense, que je dépense plein de petites pépettes. Qu'une fois les couilles vides, je porte le même jean. Tu mets ton peur, tes copines avec maman, ils vous diraient chin chin. Ce qu'ils souhaitent, mes galons, tu kiffes, ouais. Des faces qui fouettent, une bande d'hommes nerveux. Il me faut du kiff, souhaite. Ma fiatrée, c'est volé deux. Force les gens, Harry, nous faut les deux. Mes gars débarquent, les autres disent non, je veux pas recevoir une volée deux. Partir des rêves en fumée comme la Z là. Arrête ça. S'il y a drap, les gars, je sais que vous êtes là. On vient pour tout rater, personne pourra nous faire bouger de là. Ton pourra, arrête ça. Ton blabla, arrête personne ça. Personne pourra faire partir mes rêves en fumée comme la Z là. Arrête ça. S'il y a drap, les gars, je sais que vous êtes là. On vient pour tout rater, personne pourra nous faire bouger de là. Ton pourra, arrête ça. Ton blabla, arrête ma ça. Ma fiat dressée, c'est pas un coup de bluff, mais un taf de longue haleine. Un coup de bœuf, torse bombé, on s'étoffe jusqu'à Long Island. Faut que dans tous les milieux soit dit qu'on est des phénomènes. Qu'ils soient des millions à kiffer, tout ça on le fait nous-mêmes. Ouais. Pas tant d'attendre qu'une phénomène au succès. La réussite c'est contagieux et pour ça je compte à tirer sur ce. Le cœur à l'œuvre que celui qui est pas d'accord l'ouvre ou se taise à jamais avant que les choses se corsent. Car on vient en force, faut tout rater, tu peux te sauver si tu as peur. Ma mafia est parée sur ton visage, voilà ce que je pars à la conquête du rap, encore plus côté que je là. Si je trébuche, c'est pas gâté, à mes côtés vous êtes là. En formation de combat, pas un GI mais façon Mujahideen. Ça mangeaille, on ne patine pas avec nous. Je vous l'ai déjà dit, silence c'est l'heure pour les miens de goûter la réussite. Ton silence c'est long, mais bientôt je vous aimerai un seul coup. Reste ou prends son bus. Bienvenue dans ma rue où la crasse colle à tes pieds sur le trottoir comme de la glu. Bienvenue dans ma rue où les pigeons meurent dans le caniveau à force de manger du dégueulis de toxique. Dans ma rue, autant de flics que de mecs au cul. Le coiffeur raconte des blagues aux dealers. Les policiers donnent des planques aux voleurs. Le facteur aide le macro à relever les compteurs. J'ai été élu président de ma rue. J'ai placé mes ministres, tout le monde est corrompu. À chacun sa banlieue, la mienne, je l'aime. Et elle s'appelle le 18e. Moi, moi, moi, moi, et dingue. on ne se fait jamais attraper. Retiens bien, le savoir est une arme. Maintenant tu sais, le savoir est une arme, bébé, ne l'oublie jamais. Mais des fois tu es blessé, souvent tu es armé. Les dames de la maternelle, deux questions me martèlent. Elle n'arrête pas sur toi, papa. Bébé, ton père a-t-il une fiancée? A-t-il beaucoup de billets? C'est vrai, c'est le plus stylé, déroulé, pas boulé. Mais faut brouiller ta tête sur les jours. Comme un dangereux rapport qui va déjà les tribunaux. Quand tu dis la vérité, on veut toujours t'écraser. C'est nous, c'est sympa. Oh, laisse pour le moment, tu comprendras une fin de mort. Et quand elle continueront toutes, quand t'énerver, dis-leur. Je prie pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'autre dans la noire sur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur. Obscur, la force est noire. Noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. Nous devons tous unir nos efforts pour la tirer vers le côté obscur de la force. La vraie nature de la force. Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, pilote des 50 ans que sabre laser. Quoi, ma conscience comme le seul médaille, je traque et je tripe sans remords, les chevaliers de chez j'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto, comme à la roulette russe. Les taux se resserrent, les crabes et le béto. Les jeunes se mettent au rap préto. Ils frappent la résistance et préto. Micro de BMC à Médo. Les barreaux de prison, ils s'enferment l'expression orale. Nique la morale, le rap est sous pression, grand inorale. De pression de la gâchette, ici où le viscère. Mon album s'achète comme un douce bien viscère. Serre-moi la poigne, les mots des frères je soigne. Mais moi en témoigne, si l'enfer est pas fait de bonnes intentions, que le port s'éloigne encore. Un autre prétexte, un texte violent. Mais voilà, c'est pas tout du violon, on fait les rimes à la mort. Moi insolent, mon solo rap shoot crée le doute, leg, moi le micro, déjà les accros veulent des bootlegs. Écoute, arsenic c'est pas une black wingle. Kiffe le single, laisse la dance au drag. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats m'hiver sur le beat de croisant de la flow. La flow, la flow, la flow. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Les beats m'hiver sur le beat de croisant de la flow. La flow, la flow, la flow. Je t'emmerde. Je joue les kecks, je joue les wannequins, je joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre, je joue les braves, je joue celui qui sait. Hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Je joue les kecks, je joue les wannequins, je joue les cons, je reste concret. Direct, c'est la guerre, je joue les braves, je joue celui qui sait. Hein, mais Tomé, la vérité sur toi, moi je la connais. Oh, si, si, good boy. Faut qu'ils prennent une barre pour qu'ils comprennent. Pop, pop. This is it, this is it. Grande saucisse, parle si bien de ses sosies dans ses chansons. Gay, qui surf, et pourtant il prend du côté pile. Y'en a qui ont l'emballage et pas le contenu. Est-ce qu'il gigote dans ton calcif aussi chétif que chez Garbit? Je t'emmerde. Honneur au dingue, l'amigale. Non, la tronchonneuse. Avant de donner des leçons, regarde avec qui t'as fait archeton. Mais si, et si seulement t'avais pas baissé ton froc pour en arriver là. Eh ouais, c'est vrai, ce jour-là t'en avais pas. Et si, avec des cils, malheureusement je coupe du bois. Je t'emmerde. 12 et pas un cerveau, fallait qu'on revienne. Quitte à collaborer avec l'autre facho, j'en place une spéciale pour toi, Père Paul Jaco. C'est pas santé, mais c'est bien ratonné. Car tatoué, tu l'es encore, et v'là l'envers du décor. Elle compte du racisme, c'est tringué ce qui reboute. J't'emmerde, j't'encule, j't'emmerde. Rappelle-toi le mélancolique qui fait dans la purée mousseline. Car pour un moslem, t'aurais dû déjà changer de blague. Ça sent le gaz, on a Akbar. Et la première qualité d'un moslem, c'est d'être homme. Tu l'es pas, et sache que la religion n'est pas un sprint, mais une course de fond. Alors pense à ceux qui pratiquent depuis 20 ou 40 ans, et qui n'en foutent pas tout en boucan. Remarque, ils l'ont marqué, tu ne seras pas une icône. Ici seul l'aide suprême juge, alors la sky roulette, sacrilège. Bismillah, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. avec ma gueule de mes pères. Un pistolet qui s'est bastonné, à qui on a pris tout volé, si peu donné. J'ai pris des branlés par un père déserteur, au point d'en espérer qu'en enfer y ait du bonheur. La perception atrophiée, et c'est pas votre moralité qui m'a habillé. Parce qu'anormal est l'isolement dans lequel j'ai pu nager, dans lequel on m'a plombé, auquel personne n'a jamais voulu rien changer. Avec ma gueule de mes têtes, approuvé par la passion, mon sacerdoce c'est ma mission. Et si récompense il y a, mon cœur me guide au trépas. Rien n'est acquis, je l'ai toujours pris ça, ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas. Avec ma gueule, avec mon air aigré amer, galbé comme un fil de fer, affûté pour la guerre, je roule pour la maison mère. Avec ma gueule, je fais bénèque, j'ai pas une ganache de dieu grec. Il est possible qu'on m'arrête, ou par erreur qu'on m'affrète. Avec ma bouche qui a trop vu, mon air obtus qui fuit la rue. Cette façon d'être à la fuite, et en même temps d'être à la rue. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver. Avec mes rêves de délinquant, mes coups de sang incessants. Avec ma gueule de métier, héritière des souffrances lointaines. Je veux pas finir en victime, ni même finir à freine. Avec son visage, ses yeux verts, tout me rapproche de ma mère. Tout m'éloigne de mon père, grâce à qui j'ai ce goût amer. Quand je fais les lois dans ce pays où se visent les pires, ce qui a essayé d'entreprendre Jacques Messri. La fin du monde, on envoie les premiers signes. De PD qui s'embrasse en plein Paris. Les scènes de cul à la télé avant minuit. Aujourd'hui, la Yougoslavie n'est plus. Demain, t'es mort pour une poignée d'écus. Ont sûrement été les émeutes de 68. La fin violente du parcours de Malcolm X. L'effet de l'héroïne sur certains. Les animaux servent de cobayes aux terriens. On meurt comme quoi le sida vient très d'Afrique. Les preuves comme quoi ils ont dévalisé l'Afrique. Et le trafic d'influence en France. Maurice Papon aurait trahi la résistance. Les caducifs sont à ce jour les charges sociales. Inégale répartition des richesses mondiales. Hardcore comme reconnaître ses torts. Les jeunes sont passionnés de films gore. Sera le journal télévisé de ce soir. Et les gens ont peine à croire au mot espoir. Lorsqu'une fillette de 8 ans disparaît. Et qu'on la retrouve violée, sodomisée. Et le viol dont on a accusé Mike Tyson. Pire encore en ce qui concerne Michael Jackson. Ce harcèlement serait le truc de Bill Clinton. Il n'est pas bon de tromper O.J. Simpson. Sonne du trou à ses fans au tribunal. Serait le rétablissement de la peine capitale. Mais déjà aujourd'hui la peine maximale. L'article 432 du code pénal. Et le travail de bâtard d'un procureur. Inspecteur Harry Mouker Hunter sur des tueurs. Elle a grimpé en flèche du FN. Sous les propos extrêmes de ce bâtard Le Pen. Le KU, KL, Fox, KL, AL. Elle a mauvaise crème de haine qui flèche. Ma fierté c'est le Maroc et que je préfère manger par terre. Aucun remords, j'ai vécu pleinement. Un titulaire sur le terrain, c'est tirageux qui parle sur le banc. Quand je partirai, dites à mon père que rien ne sert de pleurer. Dites à ma fille que ses prières remplaceront les courriers. Dites à mes profs que rien à foutre si j'ai pas eu leur diplôme. Dites aux rageux que cet album va sûrement peser 10 tonnes. Quand je partirai, vous passerez le salam au Congo. Vous leur direz qu'on y mange bien, vous remercierez le Togo, le Cameroun et l'Algérie, le Canada, Djibouti. J'aurais peut-être un seul remords, ne pas revoir le public du Mali. Je partirai la tête haute, ma fille n'écoute pas les gens. J'ai des souvenirs de Dakar, de quelques frères d'Abidjan. Quand je partirai, la concurrence pourra sortir de son trou. Et seulement une fois enterré, vous pourrez prendre son pouls. Je serai pas loin, je serai à jamais dans le cœur de la famille. De quelques fans anéantis, de quelques sœurs des Antilles. Quand je serai plus là, vous direz à certains frères qu'ils m'ont déçu. Que moi j'ai pas une belle plume, seulement un putain de vécu. Vécu, les années passent et je vois les choses empirer. Seigneur, ayez pitié, le jour où je partirai. Quand je partirai, certains faux frères feront mine d'être déçus. Veulent rouler avec moi, auparavant m'auraient marché dessus. Dites à mes fans que je suis fou d'eux, que je n'étais rien sans eux. Que la vie ça plaise et qu'il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Big up à Fred Musa, Pascal Sefranc, c'est la même. Encore un rap anti-FN sur ta FM. Quand je partirai, certains bâtards feront leurs condoléances. Où étaient-ils quand les factures arrivaient à échéance? Où étaient-ils quand les restos du cœur servaient le daron? Où étaient-ils quand les huissiers prenaient le fauteuil du salon? Où étaient-ils quand les yeux mouillés, maman manquait de liquide? Étaient-ils là au mitard avec une envie de suicide? Les années passent, bordel de merde, et je vois les choses empirer. Seigneur, ayez pitié, le jour où je partirai. Ils te font des modes, la violence à l'école existait déjà. De mon temps, les rackets, les bastons, les dégâts. Les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs. Embrouille à coups de cutter, mais en parler au journal. Tous les soirs, ça devient banal. Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale. Et si petit frère veut faire parler de lui, il réitère ce qu'il a vu avant 8h30. Merde, en 80 c'était des états de fait. Mais là ces journalistes ont fait des états. état. Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant. Juste surexposé à la pub aux actes violents. Pour des grandes gosses et de meilleurs citrons. La cible numéro 1, le terrain des produits de consommation. Et pour être sûr qu'ils s'en procurent, petit frère s'assure, flingue à la ceinture. On sait ce que tu es quand on voit ce que tu possèdes. Petit frère le sait et garde ce fait en tête. L'argent lui ouvrirait les portes sur un ciel azur aussi facilement que ses tournevis ouvrent celles des voitures. Le grand standing et tout ce dont il a envie, ça passe mieux quand tu portes un Giorgio Armani. Soucieux du regard des gens, malgré son jeune âge, petit frère fume pour paraître plus grand. Il voudrait prendre l'autoroute de la fortune et ne se rend pas compte qu'il pourrait y laisser des plumes. Il vient à peine de sortir de son œuf et déjà petit frère veut être plus gros que le bœuf. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut des postes de 7 lieux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, il a fièvre. Putain, 3 heures maintenant que je l'attends. De faire la bande kilométrée comme trop souvent. Le revoyant me précisant, en insistant, qu'il me faut arriver dans les temps pour un truc important. Quand t'apparaît devant moi une pièce, c'est mal barré. Pour que je reste bloqué là, c'est mal barré. Faut que je me décide et fasse mon choix dans des réactions très nettes. C'est net. J'ai plus qu'une seule idée en tête, faut que je la serre. Avant que cela ne me manque, il faut qu'on fasse la paire. Mais il faut que je t'en perde mon excitation. Oh, regarde, j'ai déjà la fièvre à la vue de ce canon. Comme ce zéplos, trop en temps platique. Non, laissez-moi encore un peu de temps, c'est pas le bon moment. Je sais, j'ai pas la journée, mais je peux prendre tout mon temps. Tant il lui fait que je lui fasse du rôle dedans. Cette femme qui s'endule, moi ça chète. Tant pis pour qu'on chète. Je lâche pas, non, je chète. On te le doit leur faire. Jamais, jamais d'un coup de lièvre. Alors, on va le faire. Mais elle m'a mis la fin. Ensemble, on a construit ensemble. Je me remémore les discussions que l'on avait ensemble et nos rêves. Tu t'en souviens de nos rêves quand on était dans les hangars, quand on sentait monter la fièvre. Putain, c'est loin, tout ça c'est loin. J'ai passé mon adolescence à défoncer des trains. Je ne regrette rien. On a tellement tutoyé deux fois le bonheur qu'on pourrait mourir demain. Sans regret, sans remords, notre seule erreur était de rêver un peu trop fort en omettant le rôle important que pouvait jouer le temps sur les comportements de chacun. Pourtant, on venait tous du même quartier, on avait tous la même culture de cité. Ouais, c'était vraiment l'idéal. En effet, on avait vraiment tout pour réussir. Mais tout n'est pas si facile, les destins se séparent, l'amitié c'est fragile pour nous. La vie ne fait jamais un long fleuve tranquille, et aujourd'hui encore tout n'est pas si facile. C'est là où la vie mène, là où mes pieds traînent. Viennent là où les gens disent tous emmerder le système. Peu importe la manière, forte ou douce, chacun essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds traînent. Viennent là où les gens disent tous emmerder le système. Croire en l'argent, son pouvoir, le respect qu'ils dégagent. Puiser leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage. Sommes-nous faux ou vrais, à ton avis, bon ou mauvais? Demande à ton ami, peut-être qu'il nous connaît. Entre le bien et le mal, on navigue. On se dit que tout est écrit et que c'est la vie, quoi qu'il arrive. Le système abîme les nôtres, donc la haine les anime. Et c'est normal si tu la ressens lorsqu'on rime. Certains trouvent incompréhensible, normal, ce n'est pas eux les cibles. Au tribunal, c'est jamais leur nom qu'on cite. Ils n'ont jamais eu besoin de voler pour vivre ou connaître le mal-être. À cause d'une vie sans équilibre, ou se droguer pour se sentir libre, ou se mettre ivre pour oublier le combat qui se livre. Tout ce que je raconte est minime. Je suis ni un caïd, ni un saint, ni à croire la cocaïne. Je suis simple, comme mes frères et les tiens, sans rire. Et je sais qu'on nourrit tous le mal et fait la grève de la faim au bien, comme à Ibrahim. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens de là où on emmerde le système, de là où les rues craignent, de là où la haine imprègne, de là où les gens freignent, de là où le bien et le mal règne. Je vois que c'est les mêmes histoires chez les riches et les pauvres. Deal de shit et de gaves et de jeunes qui se gâchent. Dans certains cas, c'est un gag. Prenez des parts en place ou pas, c'est leur ego connard. Et là, y a plus de blancs et de nègres. Tu perds Smicara, celui qui roule en cabriolet. C'est le même dégoût quand c'est ta chair qui vient te cambrioler. l'année ou meurt une seringue au bras et complètement isolé. Ça me rend fou de les voir s'abîmer, en être désolé. On a tous des ambitions différentes, respectons nos différences. Dans nos rues, peu ont les bonnes références. Conséquence, c'est la merde et on s'y accommode. On vit sur les nerfs et y'a plus rien de commode. C'est les sous qui tiennent les commandes. Pourquoi jouer le voyou quand t'as tout ce que tu demandes? Chez nous y'a pas de secret, le pognon régit tout. Les jeux sont faits et en pleine course, ils nous désunit tous. Mes kiffs c'est de chiller, ouais. Rester tranquille au sein des miens, me laisser aller à déballer. Les conneries parlent juste pour parler. Pour faire le monde avec notre vision décalée. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage par le nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure tout ça sans presse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe le mic. Je développe mes idées contaminées. C'est vrai, cheminé, mais déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN, sa femme, je la voulais tant c'est clair. Pas d'éclair, de gêné, juste un lyrique qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon procès. Chez nous c'est la peta qui a comblé ces années-là. Le respect touche aussi les DJ 1 qui nous ont fait 1 et nous font danser 1. Oh, oh yes, it's good to be a king. And yes, it's good to be a queen. Respect yourself and the rest will flow. Le diamant voyage sur le sillon en kilométrage illimité et transmet le son. On l'a empêché plutôt au pays d'évoluer. Les pirates dans le domaine, nous sommes respect. Acharné du respect, du vide, tu le sais. La vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le rôle du vinyle. Je passe comme Dina. Life's a bitch and then we die. Voilà. Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper? Je veux nier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper? Je veux nier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper? Cette girobe, personne ne peut les stopper, personne à part le bon Dieu d'Arbaïda. Encore un de ces girobe, personne ne peut les stopper, personne à part le bon Dieu. Yeah, yeah. Encore un de ces girobe, personne ne peut les stopper, personne à part le bon Dieu. Encore un de ces girobe, encore un de ces girobe, encore un de ces girobe. Non, je dois rien à personne, quand je donne ça vient du cœur. Personne n'était là quand maman pointait au resto du cœur. Personne n'était là quand les huissiers défonçaient ma porte. Quand les temps étaient durs et que la pauvreté portait ma force. Personne n'était là, pétage de plomb tout seul à Oni. Quand je suppliais un peu de tabac, putain de bâtard d'oxy. Personne n'était là, à part le bon Dieu et mes anges. À part la famille, à part quelques amis qui savent que je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper? Je veux nier mon identité, je peux pas essayer. Mais qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Mais qui peut me stopper? Je dois nier mon identité. Je dois pas m'énerver, je suis tombé. Mais qui peut me stopper? Je préfère être pauvre avec ma mise, quand cellule et moi accompagnée. Verser des acomptes au grossiste, et parler des kisses. Assis dans ma cellule, je lis ta lettre au bord du gouffre, au bord des drames. Le stylo pleure, mon caisse souffre, tu es en larmes. Chez nous on cache nos sentiments, gentiment. Préfère dire casse-toi, va-t'en que de crier je t'aime. Comme Lara Fabian à toutes les Fatima, les Fatou. Mère qui blinde nos parloirs, pardonne-moi de douter. Mais trop de gratteuses blindent mon répertoire. Et dans mes petits yeux marrons, tu peux lire ce que je ressens pour toi. Ne me force pas à dire ce mot, j'ai trop d'orgueil pour ça. Rappelle-toi quand on était pauvres et heureux, qu'on galérait à l'arrêt de bus, qu'on se contentait derrière. Un maxi best-of, c'est ma faute devant les armes. ronan de toujours plus. On veut sortir au ciel, c'est sans et cela. Pété au plus, clic, clac, clic, clic. Les menottes, ils passent bordel. Je vous le dis au final, je suis tombé sous un jour. On représente nos propres zones, entre autres. Donne-nous à la gloire, y'a une trotte. Quand tu veux, tu peux, et sans trahir l'un des nôtres. J'aime ma vie, le bout de silo en est à l'origine. Un seul regret, l'absence de mamie. À l'heure où j'ai écrit ce texte, j'étais à sec, sans rien. Tomber les bières, plus sec, trinco en envie de chien. Si c'est loot, mais. On dit qu'il est fou ce mort, je m'en rends pas compte, merde. Normal, il est fou ce mort, et je sais ce que je raconte, frère. Y'a du mouvement dans l'ombre, tout son est dans l'ombre. Chez nous, personne n'est dans l'or, mais du monde dans l'ombre et après. On dit qu'il est fou ce mort, je m'en rends pas compte, merde. Normal, il est fou ce mort, et je sais ce que je raconte, frère. Y'a du mouvement dans l'ombre, tout son est dans l'ombre. Chez nous, personne n'est dans l'or, mais du monde dans l'ombre et après. Les vieux vont dire il est fou ce monde, mais les rimes restent réelles. Plutôt que les snobs, je préfère les gars des ruelles. Il est fou ce monde, dans ce cas je fais le truc à la foule. Dans ce gars, dans peu de temps je mets le feu à la foule. Avec prudence, ils trouvent insensé. Rien à foutre. Tant que les gens de la rue dansent, ils peuvent offenser. Toujours le même qu'avant, celui qui était dans l'ombre. Luciano. Celui qui allait dans l'ombre. Au point où on en est, on prend bon fréquent en année. Je vois les parents en place avant d'être condamné. Je vois le mal partout comme les flics. Autant qu'un gros bonnet, un trafiquant ou alors un fabricant de fausse monnaie. On reste ce qu'on est, de simples jeunes. Le manège, on le connaît. Et s'il faut, le pire, on le commet. Ne me dis pas que je suis en train de déconner, frérot. On dit qu'il est fou ce monde, je m'en rends pas compte, merde. Normal, il est fou ce monde, et c'est ce que je raconte, frère. Y'a du mouvement dans l'ombre, tout son est dans l'ombre. Chez nous, personne n'est dans l'or, jamais du mouvement dans l'ombre. On dit qu'il est fou ce monde, je m'en rends pas compte, merde. Normal, il est fou ce monde, et c'est ce que je raconte, frère. Y'a du mouvement dans l'ombre, tout son est dans l'ombre. Chez nous, personne n'est dans l'or, jamais du mouvement dans l'ombre et après. Princesse est mort, sans flash ni escort, sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Princesse est mort, femme de cœur, une femme forte, mort, sans flash ni escort. Princesse est mort, sans flash ni escort, sans bougie dans le vent, sans rose devant sa porte. Princesse est mort, femme de cœur, une femme forte, mort. Sans flash ni escort. À travers les flammes, le sang et les bombes, Alger succombe et tes fils tombent dans les tombes. La mort effleure, ton cœur flambe quand tes filles tremblent. Tu lèves les mains au ciel, pieds nus dans les cendres. Dernier rayon de soleil sur ta djellaba. Premier coup de feu, la terreur fait ses premiers pas. Ta tête est sous contrat, ta vie est un combat. Ils ont pointé le doigt sur toi, les démons d'Allah. Quand le jour se lève, tu comptes les morts autour de toi. Chasse les vautours sur ton toit, tu pries et gardes la foi. Vis de tes propres lois, avec les instincts, les avocats. Manifeste pour la paix et pour tes droits. Tu pas de château ni de marbre, jeune femme de sable. Tu grattes tes rêves et lèves tes gosses avec des fables. Et tu t'éteins comme une bougie, tué par le massacre en Algérie. Sous ma motivation, nourris mon ambition. Tant que la deuxième France s'éveille, j'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on lève nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme il nous malmène. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine, quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieue arrive fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec, diplômé, éclairé au paumé, en 4-4 en chromé, gentil ou chômé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet, et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image des prédateurs, mais on n'est que des proies, capables et coupables, exclus de l'emploi. Si je rougis comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux me prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut deux fois plus de courage, deux fois plus de rage, car il y a deux fois plus d'obstacles et deux fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura deux fois plus de coups avant de pouvoir la savourer. Je prendrai deux fois plus de coups, les pièges sont nombreux. Il faut que je sois deux fois plus attentif, deux fois plus qualifié, deux fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche, toi il marche. Tu pleures, ça fait l'âme, une détermination. Car ceci n'est pas son plan, c'est une révolution. Passe le wange, y'a des mondes sur la corde à linge. Passe le wange, y'a des mondes sur la corde à linge. Passe le wange. Passe, let's flip, venga, ahora venga. Si no quieres, escúchame, te pega. Mire mi mano en tu cara, cara. Chica, pero, chica, que, chica, le pasa. Mierda, que tú sabes, moi, ne fume pas de hache, de gondia. Pero, oh, de tener pasión, a mí no me importa. Si tiene mucha, chica, pa, tú sabes. explique pourquoi t'es si pressé, tu sais, car après toi, il y a plus d'une perte de temps. Attends calmement que Gucci Mane le décoller de sa bouche en prendant la haine. Mais quand tu l'as, ne m'en veux pas. La fumée en pleine soirée, tu sais, je ne supporte pas. Tu me fâches, le froid et les grasses cachent. Je ne t'en que ce que je vous cache, alors envie de vous passer. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Juste un sale gosse de 20 bits. Tu bosses pour scandale et qu'agis avec stratégie. Faut que t'imagines la scène comme au ciné. Un film signé Fracap et Jice pour tout calciner. L'enfer est sur terre. T'as vu? Et ça, c'est sans commentaire. Je suis juste un homme et je sais plus comment faire. Vu qu'il n'y a plus d'humanité ni de fraternité depuis une éternité. Si je crois plus en rien, c'est parce que j'ai plus rien qui me tient. À part les liens avec les miens et tu sais bien d'où je viens. 9-3, département. D'ailleurs, je casse des lits tout droit pour les appartements. En Seine-Saint-Denis d'ailleurs, ça vient de bon des questions. J'apporte un style, au style austère. Je suis pas là pour faire l'imposteur. Un imposteur en poster. Troisième millénaire, je vis les nerfs à vif. On devient encore plus vénère. Avec une son de cul. Quand je pense à des situations qui laissent sous stress, pourquoi personne t'a parlé de paillettes et de strass, alors que le malheur proche croise, s'angoisse, blesse. Je suis triste, le cœur noué par la tristesse. Quand je pense à des situations qui laissent sous stress, pourquoi personne t'a parlé de paillettes et de strass, alors que le malheur proche croise, s'angoisse, blesse. Je suis triste, dès que je pense à Momie, à Abou Jamal. Si j'ai enfermé pour rien, ça me fait trop mal. C'est triste devant ces situations de barge en Algérie. Savoir que le monde part en couille. Trop de tuerie, trop de folie. J'ai trop de détresse du côté du peuple afghan. Trop de mémise de l'Occident sur l'Orient. Dégoûté de voir comme toi qu'aujourd'hui le respect fout le camp. Les gens traumatisés par le colonialisme ambiant. Je suis aussi triste qu'une chanson d'Oum Kalthoum. Ce bus qui approche la trentaine et qui chôme. Sous insulte sa mère, frappe sa sœur Chem. J'ai tant de haine contre le MNR et FM. C'est clown qui projette de faire de nous des clones. T'imagines de Joe Bob sous Boswan. J'suis tout cœur avec les frères de Bomboli à Conakry. Sous pression de l'état du côté de Bomboli. Je suis triste, le cœur jouait pas. Savoir mon sang est mêlé de noir. Et le métis rappeur que je suis connaît bien son devoir. Celui de dénoncer, de crier sans cette justice. Portraitiste d'une société d'égoïstes. Car inutile de mentir ou de faire semblant d'avoir une fausse attitude au regard des gens de ces sociétés, ces villes tranquilles. Où quelquefois et même souvent ta vie ne tient plus qu'un fil. Beaucoup de sociétés s'unissent dans la dictature. Et après ça on vient nous parler de culture. On cultive du vent, de l'inégalité. L'extrême d'un mot qui se meurt. Le verbe aimer t'a rendu froid et distant. Ce qui paraît étonnant pour tous ces gens qui te voient, qui te croient si différent. Braque le temps, un coup d'espoir ceci est sans limite. Le temps s'écoule, les heures passent si vite. Tu aimes la sauce de chance, elle t'appelle, te prend. Tu aimes ce cri, ce crâne, ce chant stimulant. Alors pas de problème. Je n'en revenais pas. Un maître de cérémonie venu des USA. Autour de moi mes amis craquaient. Au fond de moi je savais qu'un jour nouveau viendrait. Qui aujourd'hui serait synonyme de paix. Mes amis par ce mot ainsi changé accélère. Tu t'en sur ces mots. Tu restes cool, tu écoutes. Coûte, coûte de Paris funk qui beat. Et qui t'invite. Ramène un peu ta position comme pour un majeur. La puissance de qui ton fils, une teinte de ta soeur. Oui tu verras c'est tranquille, c'est fabriqué maison. Je garantis du positif, j'y crois c'est ma façon. Y'a pas de problème. Ça fait vite, cache tes gosses, Harry. Le bitume t'éteint. un jour nous on débarque en costard. On conne Starsky, Hutch, Couteau, Taser et tous les stars qui font qu'il y ait leurs photos dans nos classeurs. Vieillir dans le rap comme Snoop Doggy Dogg. Non, bientôt j'arrête, mais méfiez-vous de l'eau qui dort. T'es bête ou quoi? Sur Paris y'a pas plus. Lourd, on pèse des tonnes, le reste des MC sont quoi plus. Mais tu vas où là? Hop, je te mets un grand pont. Reste en défense pour jouer en attaque, il faut les crampons. Section d'assaut, aka la locomotive. On recrute app, nous envoie pas ta lettre de motif. Section d'assaut, c'est du lourd, t'es bête ou quoi? Une équipe de type tricker, pas de lover comme B2K. Face à nous, vous voyez pas qu'ils ont renouveau. Flow d'ancien, la famille, écoutez plutôt le renouveau. Faut pas nous laisser la place, les mecs, vous aurez plus la cote. Car vos sons sont démodés comme les bananes à coste. Un incendie commence toujours par une flamme. Toi, tu seras humilié comme un macho qui taffe pour une femme. Y'a pas que du flow, t'inquiète, nos lyrics se chocs. On va te mettre mal à l'aise comme un non-fumeur dans un coffee shop. Les soldats de l'équipe marchent avec un mental rude. On déboule comme un obèse sur une montagne rude. T'es bête ou quoi? T'es muté qu'on faut pas t'étonner. T'es bête ou quoi? Même tes potes peuvent pas t'épauler. T'es bête ou quoi? Troisième pro, tu peux pas détrôner. Tant qu'on est hâte, je te promets, tes ventes vont pas décoller. Les sections d'assaut, c'est le top, mais qui dit mieux. Y'a le flou, le son, sa tête, je mets de qui dit mieux. Sous gauche, hymne à la racaille de France, Armani, Gucci, on dépense. La musique de la délinquance, prochain album, moi c'est la kiffance. Enika, la politique, le chant lexique, l'accent du Tchéka. Dominique, y'a beaucoup d'équipes, y'a l'automatique, ouais le son des guitares. Pourquoi tu me fais les épecs, au comico t'as fait dans la culotte. Ça fume la baie de l'évêque, sous ballon et les chats de la minote. J'fais du rap avec habilité, la rentabilité, ouais on l'a mérité. Chaque année le quartier change de mentalité, on pente organisé, on finit diamanté. Les jeunes de cité, les dissipés, toutes les racailles, caille, caille. Les charbonneurs, entrepreneurs, pour mes racailles, caille, caille. Des brouillards, balèzes, l'hymne à la racaille de France. En Y, insolent, l'hymne à la racaille de France. Les jeunes de cité, les dissipés, toutes les racailles, caille, caille. Les charbonneurs, entrepreneurs, pour mes racailles, caille, caille. Des brouillards, balèzes, l'hymne à la racaille de France. En Y, insolent, l'hymne à la racaille de France. Polygame, sexe addict, adepte du string, jacking. Aucun régime, ma grosse, moi je veux que t'exploses dans les lignes. À toi planning, sur tes bourrelets, monter comme King Kong, c'est moi le king. Petit joueur, je joue la Ligue Master, je mets ton équipe en Europa League. Moi j'aime les femmes rondes, pourquoi devrais-je en avoir honte? Je suis un bond, fusil à pompe dans le caleçon. Devine pourquoi je pousse la fonte, je me défonce, je roule à fond. Imagine une baleine qui touche le plafond. Elle est de cesse, l'impossible, rap de test, ma grosse, c'est pas vrai. Les hommes te doivent du respect, ceux qui n'aiment pas tes formes n'ont jamais dû tester. Yeah, ma grosse, ma grosse, ma grosse, ma grosse, ma grosse, ma grosse, ma grosse, ma grosse, ma grosse, ma grosse. Tu mouilles, tu transpires, tu m'éclabousses. Fais des trucs techniques avec ta bouche parce que t'aimes la bouffe. J'ai de l'amour pour les poids lourds. Je te prendrai dans mes bras même si je fais pas tout le tour. C'est Mowgli qui joue avec Balou quand on s'accoupe. Je te fais la course, je te mets au lit, je te démolis. Plus mon alcoolémie descend, plus tu grossis. J'ai comme envie de rôti quand je vois tes barésies sur tes grosses cuisses. En attendant d'en serrer des jolies, je tapais dans la viande pour m'entraîner comme si j'étais Rocky. J'ai pris goût, je m'en fous, maintenant c'est ton heure. Ce soir tu seras la petite baleine échouée sur la plage de mon cœur. Ok, star du ring, star des brinks, un brolic dans la pocket. Fuck it, souvent à l'ombre, allonge, on claque, donc tu n'en vois, ressort bourré. Haute sur la file de gauche, crois à l'ombre, connais les filets plus dépravés. Stringé au pas en poche, un doctorat de ménage. J'aime les vigiles, les visites, les hommes virils. Trois coupes de champagne, deux grammes dans le mélange. On évite les commerces et nos de vrais paparazzi. De peur des réactions des paparazzous, tous les jours à l'ombre, sans porte-flingue. Bougez par contre une masse, injoignable sous ces deux mobiles, on dort jamais. Smirnoff Ice, nous fichés, postichés comme chouchou de la place Clichy. Tous malades, plus bas, Francis Lalanne en marche. Impulsion à chaque seconde, emmerde le monde. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois, tout comme moi. On vit au mur des blocs avec nos règles, mais personne pourra briser nos rêves. C'est comme si le monde tournait sans toi. Au-dessus des lois, tout comme moi. Stressé, oppressé, même blessé, on a la rage. charge pour encore encaisser. On peut pas tenir en laisse, marginal, uni comme François Besse et Jack Mess, marginal. T'imagines pas ce qu'on a dans la tête, hein. T'imagines pas ce qu'on a dans la tête. Banlieue sud, prince du goudron, de l'envergure comme les barons de la drogue en Amérique du Sud. Manque d'oseille, tant que ça rentre, jamais tu t'arrêtes. Garde de prends ta pite jusqu'à Bucarest, une cigarette, une parette. Un garçon speed, même en charrette. Au cœur de l'action, son propre patron à la fois nul, paraît partout. Qui tue le pisse comme les partout. On va pas refaire le monde, chacun a sa ligne de conduite. Ceux qui transpirent la grosse goutte sont les suspects à ce qu'on dit. Pas de diplôme, pas de job. Considéré comme s'il avait deux bras en moins ou pas de jambes. Pas de chance, pas le temps. Dans une cadence infernale, marginale, jusqu'au pas de danse. Ce qu'on vit, c'est à 200% conviction. On se méfie de ce qu'on dit, à qui on se confie. Comme si le monde tournait sans toi. On vit au cœur des blocs avec nos règles, mais personne pourra briser nos rêves. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal. Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Alors, va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Sois plus commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu, car les jeunes changent. Voilà ce qui dérange. Ceux qui sont restés passifs en attendant que ça s'arrange. Je ne suis pas un leader, simplement le bon. La merde dans ton baguette, hey. L'horreur, moi c'est Chucky, hey. Flow trop paraqué, hey. J'mange trop comme les harkis, hey. J'glisse comme Mosky, hey. Au top comme Cherokee, hey. Lève tôt comme les prostés, hey. L'aile mange pas de GS, hey. Toujours le pile au PH, hey. Au McDo, bitches, hey. J'contrôle mon PS, hey. Même en période de crise, hey. La lame, j'ai KS, hey. Le terre-terre, j'maîtrise, hey. Moi j'suis pour la PS, hey. Je pèse le show PS, hey. J'te le dis en tout franchise, hey. Ton flow il pue la PS, hey. J't'effonce comme une paire KS, hey. Des keufs dans ta DS, hey. T'as trouvé ton robe, il faut que j'te dis est-ce que t'es mon PS. J'me tape 5000 la PH, ma tête est mise en PH, j'm'en PH. Le rap français sur moi a mis une PH. Vas-y, créé Molotov, car G8, c'est le ZIN. Travaille à PK. Courageux et sale, comme un son. Si la paix pouvait embraser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui vendez pas vos âmes. Comment rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable, dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible. En tant que Rastaman, je mène mon combat. Je veux la paix, l'amour, mais pour le diable, j'ai des coups de tombard. Je lâcherai pas l'affaire, non, je ne baisserai pas les bras. J'y croirai dur comme fer, même quand mon cœur s'arrêtera. Un jour de paix pour nos fils, un jour de paix pour nos filles. Un jour sans que tout parte en vrille. Un jour sans pleurs, sans haine, sans peur, sans peine. Un jour où tombe Babylone. Je suis un être humain comme tout le monde, je m'arrête aux choses sensibles. Tu sais que même avec le temps, les plus rebelles, ça s'agisse. Je vois de la joie au lieu de la haine dans les yeux des gens. J'ai de la peine quand je regarde les infos et vois ce qui se passe sur d'autres continents. Je vis là où les jours se confondent avec la nuit. Là aussi, on laisse peu de chance aux plus démunis, aux orphelins qui retrouvent l'amour dans un foyer secondaire. Dès leur enfance, bercés par la colère d'un père. Toutes nos valeurs sont écoulées dans les yeux. Une violence urbaine au milieu des nôtres. Rêve d'une terre sans discrimination, sans conflit. Tendre la main à ceux dans la solitude, comme ce petit paralysé sur un lit. Convoite le bonheur, ce second souffle. Y'a des gens qui souffrent et qui font pas semblant. Pour tous les pays en guerre, j'agite le drapeau blanc. Baissez les armes, séchez vos larmes. Pour un jour de paix, c'est maintenant. À chaque jour suffit sa paix. Suffit sa paix. chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Sans leur pas en silence, un homme qui se noie. À traverser du miroir, nos sourires. J'étais petit, j'avais peur dans le noir. Nuit blanche, dans ce couloir, je marche interminable. Et ce boulevard, j'écris de la main gauche. Dégueulasse, c'est mon buvard. Et dis tout d'un pour écrire l'histoire. Une défaite, un exploit. À chaque jour suffit sa peine. Demain, je trouve un emploi. Tomber, se relever, partir tout le monde cherche sa voix. Un regard, l'amour, rentre dans ta vie sans le savoir. Sous un grand mensonge, on cache les apparences. Un calvaire de caviar, ça commence par une romance. Triompher, créder, pas tant de souffler que ça recommence. À chaque jour suffit sa peine, on sera tous trois plus impatients. Où elle est tombée malade, elle a besoin d'être soignée, mais le monde la balade. Maman crie à l'aide, elle n'a plus que sa main à temps. Mais ses voisins du Nord ne veulent rien entendre. Maman est triste car ses enfants se sont perdus. Aux quatre coins du monde, certains ne se souviennent même plus de quoi elle a l'air. Alors maman pleure, une mère séparée de ses enfants avant l'heure. Quant à ceux qui sont restés auprès d'elle, elle en montre que malgré tout ce qui se passe, la vie est belle et ses chants chaleureux leur redonnent le sourire. L'époque où elle était reine est loin dans ses souvenirs. Sommeil léger, je dois la réveiller, je dois lui dire de fuir ses PDG. Et j'ai pleuré dès que j'ai touché l'île de Gorée, assiégé sans tes richesses, mon assiette de riz est piégée. J'ai dit pige dans tes bras, je rêve dans tes draps, je vis dans tes drames, je me lave dans tes larmes. Maman réveille-toi, tes filles et fils vont crever, faut réparer car tes ancêtres ont retourné leur stevé. Je suis fils d'immigré, papa aussi t'a quitté. Quoi après le bif que Christophe lui a piqué. Dakar à Balaki, 46, la taille du front kick. Je les ai vus comme David Vincent, pas comme Frankie. Ça y est, je crois que maman dort. Cette fois-ci les hommes y ont été trop forts. Ils lui ont volé ses colliers de diamants et d'ivoire. Et le reste du monde fait semblant de rien y voir. Vous savez, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Mon premier spliff, ma première bouteille. La richesse est dans nos cœurs, mon cul, moi je veux de l'oseille. Pour en obtenir, des fois c'est les cartons. Peu importe si la daronne veut faire le tour du monde. Petit la race humaine est méchante. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ces chiens là que entre les jambes. Et j'ai toujours la larme à l'œil, le cœur engourdi. Dealer, tu noir et blanc, 100% bon, dit killer. Talentueux mais tu seras jamais dans ma poule. Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule. Des fois je me dope comme un coureur cycliste. Quand ça réveille mes cicatrices, me sens si seul et si triste. Lyriciste agréé, pour ça que Dieu m'a créé. Si, si, ambiance pendue, ambiance Mississippi. Je me déchaîne au microphone, c'est l'Amazonie. Des indigènes dans les chromosomes, les cités d'or, ma terre promise. À lever tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Bras levés, tête haute, j'y arrivais que je mourrais au combat. Je veux pas mourir sur scène. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. J'en suis, où j'en suis, malgré tellement d'erreurs. Je suis trop en avance pour leur demander l'heure. Face à pas de pied ferme, sans savoir où je vais. J'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvée. Devant les proches, je faisais des grimaces en tirant sur mon ouinge. Car on m'a dit en classe que l'homme venait du singe. Les deux OBA, si tout ça vit. Papa ou pas là. Tout le monde te connaît dans le quartier, fais pas style. Tu nous connais pas, mais celle sur qui tous les gars se retournent. Une fille marche plus très loin. Angela, qu'a ou que faire si papa ou ça, ça. paradis sur une banquette. Un son pour les sales gosses. Dans le style, être gay, la rose et la plaie. Un son pour les sales gosses. Ils veulent pas savoir comment je rappe et combien on me paye. Un son pour les sales gosses. Dans le style, la dégaine, la pose et la play. Son pour les sales gosses. Veulent pas savoir comment je rappe et combien on me paye. Et les petites cendrillons, de vrais futurs militants. Rouge à lèvres, cheveux longs, imitation Vuitton. Elle fait le prince qui pèse dur, de la grosse coupure. Qu'il est le cheval sur le capot de la voiture. 13 piges contaminées par la ginouïde. J'suis brûlé à l'acide, un vrai boule de bowling. 14 piges torturées comme Ali McBeal. À vouloir aller chez le psy pour les hémorroïdes. Antidépresseur et corticoïdes. Parce qu'elle a le cœur brisé, elle a mal au bide. En fait, je vois au docteur et à la doctoresse, s'il te plaît. Non, moi, tu veux pas faire doctoresse. Tu mets plutôt des snaps ou des calbars. En bande maquillée comme une sauce barbecue. Avec aucune vague de 6 qui veulent tremper le cou. Comme dit Renaud, elle a déjà vu les loups. Comme dit Apollo Creed, elles prennent les petits chemins de boue, ouais. Ambiance scandale, danse de vandale. Sans d'où vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale. Sans d'où vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Le thème c'est art de rue. Dédié à ce qui pratique et ce qui aime ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone. Ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui tacte sur les fourgons. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit. On désire toujours faire mieux. Vu que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes. On pense et l'esprit dit fais-le. Pense tant qu'on respire et qu'on est libre. Y'a qu'à oser vieux, savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. Morveux, le rap c'est bon quand tu fais ça par amour. Mais pas quand y'a beaucoup de trucs en jeu. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux. C'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra. Aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5DA. Tac sur les trains, les murs crades et là où ça craint, comme sur les palais et commissariats. Salut à ceux qui parlent sur de la musique, ce qui décrivent joie, angoisse, haine et amour. Sans méthode précise et sans être alléché par la pas du gain, mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin. On en a marre de rire, gloire à l'art de rue, dédié aux gens durs et à tous ceux de ta rue. Le thème c'est art de rue, dédié à ceux qui pratiquent et ceux qui aiment ce putain d'art de rue. Ambiance scandale, danse de vandale, ça d'où vient la chaleur. Style où tu connais pas, c'est qu'on est là, dégommer ça, stop les débats, étonnez-moi, les femmes, les gars, faites des dégâts, déconnez pas. Rapiste, on est arrivé les mains dans les poches, à l'époque c'était en voile bide, on fait le truc à l'arrache, et laisse parler la rage. Moi et mes potes, on veut graver ça dans la roche, on a la dalle et rien dans le bide. Depuis, le blaze a tourné, tu connais la suite, tout ça est passé bien vite, on sait que j'en suis. Dans la vraie vie, oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà, je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays est vide. Des moments forts avec mon trou qui fait entre nous. Et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de lui qui baroudent ou qui restent postichés au QG entre couilles. Là où je suis dans mon élément, là où j'ai tellement passé de temps à qui fait rien faire, je suis presque un meuf qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide, comme mon blaze. Gravé à la bougie sur les vis du RER, SNIPER avec un putain de lettre. Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Imaginez que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, passé, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe tellement vite, t'as vu comment on a changé. Qui Jacques a pris du poids, même si toi t'as encore poussé. Regarde ça se passe, tu brilles des pieds à la tête. Blanche basket de l'or au poignet jusqu'aux lunettes quartier. Pas plus que toi, négro, respect au Congo. Les rats me parlent de toi et puis son abisso. Merci, mais dis-leur que je suis plus le même. Que depuis j'ai un fils et aussi une femme qui m'aime. C'est ça, faut construire une famille, assurer sa descendance. Même si ce n'est pas encore mon heure, t'inquiète, chaque jour j'y pense. L'horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent. On évolue, chacun son destin, mais surtout chacun sa chance. Le temps passé, passé, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, se mémorant chaque instant. Parler des des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, passé, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Parce qu'il s'agite, je vis et ça m'excite. Tout comme autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Même par la fenêtre, les gamins veulent en être. En mer, au CRS chaud, qui se lance à l'assaut. Matraque à la main, dans les quarts du vin, des fourgons blindés. La mienne, le système développe trop de pièges. Les garagistes occupent trop de sièges. Immigrés depuis le gène, faut que je maintienne sur mon droit chemin, marche de travers. Vivant mais comme à quatre, coudé sous terre, on s'en sort car soudé. Comme l'a voulu le Mahdi au Soudan. Dédicace à mes nègres, mes crous sous écrou. Prisonnier du ghetto du corps et pire celui de l'esprit. Chaque jour qu'on respire est une épreuve pour nous. Mon trajet, une véritable tragédie. Dans les ténèbres, à chercher la lumière. Faut surtout pas que je dévie. Ici bas je connais rien de l'avenir. Vu que j'ai pas la prophétie délivrée à la tribu de Lévis. Chaque fois ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. Ça pète et je reconstruis. On est les plus divisés du monde. C'est pour mes gars civilisés ou non. Mes troupes sont mobilisées. Je vire dans le rouge mais je dois rester civilisé. Je voulais être seul mais trop tard j'étais déjà né. Pour tout baiser pour être champion du monde comme Gianni. Enfant sans salope, comme un fœtus avec un calibre. Et les putains qui crachent leur salive. Mais moi j'ai le sourire comme à l'enterrement d'un flic. Voir ma clique retour en Afrique sans rapatriement. Et pour me traquer sur le ciment, oublie leur jour du Seigneur. Ces fils de pute, un taf le dimanche. Fais pas de blabla, chante pas de balade, je reste dans le vrai. Même s'il faut que je graille, je te jure, wallah. Et si je dois canner, naturellement ou d'une balle dans le dos, quand je partirai, faudra que je sois dans le dîme. Improvise parmi les démons et les anges. Compose texte après texte, pendant mon éveil et mes songes. Écriture sacrée, comme le Gange et ses crues. Inévitable, comme la femme et ses menstrues. De quoi je te parle, de nos rimes et nos instrus. Les vérités que nos lèvres articulent. Surveille le bien et le mal jusqu'à sa moindre particule. Vu que le diable manipule, pour le monopole, l'humanité divisée. dépôt. J'ai le compte nord, j'ai brisé. Je me vois d'être la science soumet par les ancêtres. 25 décembre, il faut trouver les mots. L'argent nous fait défaut et par sa faute, le Père Noël est mort. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Berger, Rajout, Jungle. Pour que tu saches à quel point que ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. J'ai peur de rien sauf de mon père et ses putains de colère. De ce putain de collège, des profs et des bulletins scolaires. Ça se dégrade, doucement mais sûrement. Et tard le soir sur le banc, j'entends les grands pousser des hurlements. 2 années passent et les premiers soucis s'amassent très vite. La chance m'évite, alors après la classe on casse les vides. J'ai mis le son mais quand je rentrais j'apprenais pas mes leçons. Petit mais paresseux, trop parisien mais bon neige pas raison. Anéanti car mes parents n'ont jamais su mentir. Lucier m'appelle fils parce que ce fils de fuf m'a vu grandir. Doucement je commence à rentrer tard pour admirer les tours. J'ai 12 ans et l'école, je casse les couilles alors je sèche les cours. Je te l'ai pas dit, à cette époque la rue m'inspire. À 13 ans j'écrivais des petits bouts de phrases qui ne voulaient rien dire. Premier chapitre, les Ulysses pour adresse. Premier couplet de 84 à 93. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à la peine. Un peu plus tard, j'aurai ma fille comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches d'où je viens. Par soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky Hutch. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Terasta. Des afros sur François et Joe. Déjà à la danse à côté de personne ne touchait une bille. On dansait le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Sur Radio Chacal en duplex live avec le Star Flash Laserlight Action Club, c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ. Ah, merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore. New Star Flash Laserlight Action Club, nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de danse. De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants. Il y aura des shots Malboro, des autocollants pionniers, des caleçons JB, des peluches. À la technique, c'est Michel, de light jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut, allez, c'est parti! Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, j'aime un mort qui brille. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que le mur qui résiste. Rien ne remplace le geste, même pas le cadeau. Rien ne remplace l'amour, même pas le geste. Geste et culte dans ce monde prouve que tu existes. Sans amour dans le cœur, y'a que le mur qui résiste. Juste un coup de fil, t'as pas su m'offrir un seul coup de fil. Pendant que t'hésites à me joindre, 17 puis je défile. J'ai pas demandé à naître dans ce monde, bordel, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à naître sans vivre avec mon père. Je suis un manque d'amour comme ces victimes. Qu'on engendre, qu'on délaisse, qu'on décime. Une vie sans racine, tente de me faire la cour chaque jour. Chaque fois qu'il se pointe, je n'ai droit qu'au sentiment d'un jour. Pourquoi j'aurais d'aimer jusqu'à ce que la mort sépare. Puisque la plupart des couples finissent par se séparer. Se donner à fond, offrir ce que t'as pas dû. Faire semblant d'être bien dans sa peau, trop de jeunes vivent. J'ai perdu des proches, des mères, des frères, des sœurs. Mais ce qui me chagrine, c'est de ne pas avoir souffert mon cœur, du moins pas assez. À chaque malheur, une remise en question s'impose. M'offrir un peu d'amour serait clairement la plus d'une maison d'arrêt ou sur un disque vinyle. Considère-moi comme une pompe. Quand tu as allumé la mèche, et chier graine les secondes. Une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une pompe. Quand tu as allumé la mèche, et chier graine les secondes. Une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une pompe. Quand tu as allumé la mèche, et chier graine les secondes. Une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une pompe. Quand tu as allumé la mèche. Et qui égrène les secondes. Je suis l'ombre sur la mesure, à la pointe d'une écriture. L'ombre de ces murs aux 1000 blessures, que des bouches murmurent. Entre deux rondes furibondes, du bleu criard ou blafard d'un gyrophare. Je tisse ma toile noire sur des cœurs hagards et je traîne mes guêtres. Sous les fenêtres de ces ruelles qui ont la lèpre. Au carrefour de la cour, des miracles en débâcle. Sous les arcades malades ou crises. Les voies croisées de la faim et du vice. Je suis l'ombre cerclée de grilles, rouillée, verrouillée sur une aire où rien ne brille. Où les corps se compriment, où la vue décline et où les brigadiers fulminent. leur regarde, ces silhouettes grises dont les rêves gisent sur le pavé couvert de pisse. Elles poussent toutes la même porte en crachant sur le trottoir de leurs illusions mortes. Nous n'avons à perdre que nos pensées ternes, te diront-elles avec le feu dans les yeux de ceux qui sont prêts à tenter le diable, pourvu qu'ils garnissent leur table et conjurent la misère, le fer et la pierre qui les enserrent. Je suis l'ombre sur la mesure, et je sature dans les graves de cette basse qui monte d'une cave parmi la crasse et les terres d'une trop vieille poudrière. Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. Considère-moi comme une bombe dont tu as allumé la mèche et qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. Ça va du chantier à l'usine, du centre-ville Amazon, des mythomanes, des crapules, tous l'oseille on redemande. Ça va de mon cerveau à mon stylo, comme des battements de cœur, des bruits de pas dans le noir pour une paye de braqueur. Ça chuchote, les tarots grimpent doucement, un polo se passe en coup de vent, la somme dans son coup de vent. Ma rue une dangereuse toile, chien de tout poil, accroché à de l'argent, pour nous c'est urgent. Un centime et c'est la haine qui domine dans mon domaine, un bolide dans une vitrine, les hors la loi des temps modernes. Se chauffe le sang à l'alcool, dehors c'est mort comme le disco. Se réunissent mes consorts autour du son de la conso, dans le secret de la rue. Ça sent le brûler, l'incendie, au plus chanceux le salut. Au départ top pour le podium, gros gère le stock. Le slogan c'est prendre des risques et surtout tiens le choc. Quand on arrive, de toute façon, y'a le gros son. Voilà l'équipe mon gros, envoie les gros sons. En espèce, pas de chèque, pas trop, ni tête. Envoie la maille, envoie l'oseille car on est beaucoup. Eh, hey, garçon, y'a le gros son. Voilà l'équipe mon gros, envoie les gros sons. En espèce, pas de chèque, pas trop, ni tête. Envoie la maille, envoie l'oseille car on est beaucoup. Quand je mouille mes poches vite, je me sens vite de quoi. De fraîche et toi, un vide comme moi, tu rêves souvent d'oseille. Pourtant mon grand dans les halls, tout le monde en parle. Du roulement au cadre, aux gendarmes qui foutent en tôle. C'est sa faute jusqu'à l'Elysée en haut lieu. Qui nous balance des patrouilles armées pour calmer nos banlieues qui grattent, sur grattent, même craquées par la batte qui déboîte dans nos épisodes masqués ou casqués. Pour celui cachet, des fois embusqué, je planifie mes projets. Assis en bas des blocs où les billets craquent, où tu planques tes thunes, poteaux, où tu les claques. À 16 ans, c'est des clics, tu sens plus les claques. T'allumes ta première club, tu cours devant la les bac. Les locs, ça tourne en rond, car pour certains, dans l'ordi, ils n'ont pas un rond. Et tôt le matin, passe derrière le comptoir, quitte à se casser les reins. De ceux qui font leur compte le soir, du détail, du butin, du petit larcin. Au gros coup organisé, si tu veux un tuyau, fais ta route sans associé. Les mecs sont habitués à crosser, au gros sein, au procès, à pioncer dans les endroits bizarres, à bosser, à se frotter avec les plus gros, les plus pros, les gros nerveux sous co qui au moindre. Faut pas ta rose, ceux qui se déplacent quand ta cause. Qu'on aura rien à foutre des conséquences et de la cause. Ça te casse les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille. Moi, je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi, j'aime la rime et j'emmerde ma rime. Juste parce que ça fait zizi. Comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors, ouais, on déconne, ouais, ouais, on est. Dans la bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Merco. Y'a comme un goût de coup, coup, dans les chambres des jeunes. Y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Y'a comme un goût de je suis saoulé de tout ce qui se déroule. Y'a comme un goût de poulet, de boulette qui saute dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on est ton. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Ça parle des peines qu'ont purgé les grands marques, des putes et des gangs. Je rêve de trucs plus élégants, mais ma vie plus elle est coulée, plus j'ai les glandes, plus elle est cruelle, plus on parle de couilles, donc je parle des miennes au pluriel. Deux, car elles sont grosses, deux, comme moi et mon sauce. Deux fois plus envie de niquer la vie, à quoi bon parler d'autre chose. Mais dis-moi, Zulu Kesta, même sous nous cherche pas. Tu veux tes skis, tu veux tes squats, je t'envoie du boubou gangsta. C'est rap de pit, rap de thug, je parle de shit, je parle de gum, je parle de beef, je parle de club, je parle de tout ce qui fait bander les jeunes. Et t'inquiète pas, moi j'ai pas le diable en piste d'idole, ouais, j'ai le flow, un condamné, j'ai le style d'un festival, je suis mystique, comme un mystique. Je nique les victimes, je dis que je suis guilty, ouais. voilà ma street credibility. Dehors c'est la jungle, les teintes ta gueule, c'est l'instinct que j'ai. Pour le smart, c'est pour les mecs de demain. Ouais, je fais cousin, m'a fait quelqu'un. Pour les carlouches, les harbouches, les manouches, genre galouche. Hardcore même quand ça galoche. Les gars sociaux qui font des fous sur les murs, tombés à la cune. Pour les toirecs, les pirates du bitume. Faut plus de chico sur côté, qui boit pas la frais. Avec un nez qui se bat en couille, toujours son travail en brouille. Enveloppes dans l'une un big up au bled, dans l'autre un big up aux jeunes des cités HLM. C'est pour les mecs avec ou sans permis, des low-key dans le box, la weed dans le coffre et le 20 grammes de pops. Au charbon comme le jeune fraîche pour les flèches, 200% crevard, trop puissant, malin et rusé. Lève ton majeur bien haut si tu me sens venir. Samir et la draille et là, elle risque de partir. C'est pour les meufs accompagnées, les charmantes, les stylées, épilées qui se jettent vers notre côté. Je manifeste la famille pour se l'attache. Pour les mecs de ma rue, tous ces grands à la tâche. C'est pour les gens vachants, les gros barjons, les rageux. Qui roulent un PM à l'ancienne avec les fargeaux. Kiro, quand t'as ce but, tu as un sanglier. Pour un fusil qui peut te faire pâle, c'est un sanglier. À ceux qui aiment ou ceux qui te sourient, qui te font sourire ou trembler. Ceux qui te font rire jusqu'à t'en étrangler. Les gros timbrés, ceux qui ont des gènes, des gènes. Ils sont sans une semaine, personne ne s'allume à croire comme qu'elle. On se vivra dans la galère qu'on assimile à leur ville. Prendre la Ilia au possible. Et à ceux qui seront toujours là pour leur familia. À ceux qui kiffent la vraie fête, je te parle pas du milliard. Sans armes, retenant mes larmes comme Kelly Joyce. Ça concerne pas, donc là tout de suite est à ton poste. Ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film, donc au quartier serait le décor. Pour ceux qui ont bien connu et côtoyé l'inoubliable. Ça fait partie de notre passé, de ces choses ineffaçables. Ceux qui très tôt ont abusé de mecs à part sur le bitume. De par leur attitude, ça c'est de la part d'individus. Pour ceux qui s'y payent à noyer, mon bled vise des propriétaires. J'ai pas passé ma vie à jouer le sparring partner. Ceux mais aussi celles qu'on le somme sur SSL. Pour ceux qui veulent des parts, en plus des parts à l'assassin. Les classes sociaux qui font peur, toujours à leur égard. Tu ne le savais pas, tes potes ne se gênent pas pour me narrer tes exploits. Aussitôt le dos tourné au téléphone, il me drague. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en flash. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. C'est cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui marche, je te le dis sans faille. C'est cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui marche, je te le dis sans faille. Reste cool gars, sinon je te dirai bye bye. C'est bon, tu peux prendre toutes tes affaires. Ah ouais, et tu crois que j'ai attendu pour le faire. Toi et ta horde de serpents, je vous souhaite bien du bon temps. Je suis parti à présent, ce sera l'heure, j'ai un bon temps. Tu souris encore, même pas l'once d'un remords. Change d'attitude, ou je suis un nouveau décor. Allez bye bye, tu prends tes clics, tes claques et tu te tailles. Ta mère avait raison, laisse-moi donc et ma baguette, tiens parlant d'elle. As-tu trouvé ta muselière? Quelle est la voix dans cette affaire? Ne touche pas à ma mère. Qui le voudrait? C'est vrai, c'est un vrai supplice de la voir. D'autant plus qu'elle s'invite ici à dîner tous les soirs. J'ai jamais compris pourquoi tu affiches tant de mépris envers ma famille, spécialement ceux qui t'apprécient. Elle m'apprécie? Moi? Ou mon porte-monnaie? Peut-être les deux, qui sait? Pour une vie, arrête de plaire. Tu es dans mon camp, mon son est très élégant. Un ex délinquant se montrant très éloquent. Les gros poissons mordent à hameçon, posant la graine, font tirer le son. J'ai l'art et la manière, faire pisser le son. Cher à faire doucement, tout dans la lourdeur. En débardeur, mesdemoiselles, veuillez calmer vos ardeurs. Rafraîchis les endettés, les détenus attendent ma venue. C'est le son de la canicule, mon véhicule chauffe la venue. Ma zik est fatale, appropriée aux grosses bagnoles. Mon son c'est le taureau, je suis le matador paro qui pleure aux espagnols. Qui met des torgnoles, fais pas le mariole. Inch'Allah, je finisse pas gardien de parking. Comme Arnold. Tu es le son qui tue, hola, hola. Ne t'inquiète pas, je suis là, je suis là. Avec des types de bouffoles, n'attire ni qu'on folle. Et on a des études, dégonne. Tu es le son qui tue, hola, hola. Ne t'inquiète pas, je suis là, je suis là. C'est la musique de ma zone. Je marche comme des hommes. Dans ma gueule, on dégonne, dégonne. Un silence dans la boîte. J'ai entendu le son qui tue. Tu me crois pas, je rappe sans effets spéciaux. Sur des bestiaux, mélodies de cas sociaux. Je mets des gifs de cowboy avec des man maçons. Les journalistes trouvent les questions, moi je trouve les caissons. ROA2F et natif sous son rythme. DJ, coupe le rythme quand je dis. Le ragassé, le rassé, tout le répète. Pareil, alors chaque jour, tu veux tu m'aimes un peu plus clavé. Tu le prends parfois mal là où tu le sens, je le sais. Mais tu mens, bébé, tu mens. Ouais, Seigneur accueille un ange de plus. La main en l'air, yeah. tout fait. Toujours prête à me donner ton oxygène dans les moments où tu sens que t'étouffais. T'étais prête à tuer si on me touchait. Prête à décrocher la lune même si je la voulais. On a grandi ensemble, construit ensemble, traversé les pires moments, vivre ensemble. C'est ce qu'on voulait. Même si on n'était plus ensemble, on s'en foutait. C'est ce qu'on visait, te rappelle l'euphorie, les premiers instants, ton sourire, les moments de silence qui voulaient tout dire. On pouvait se nourrir l'un de l'autre. Ouais, tellement j'étais toi, t'étais moi. Et ça, nos prochains, on était témoins. C'est ma vie. Nous sommes par une croisade contre l'état avare. Représente les quartiers dissensibles en France et Navarre. Regard à gare sous pétard, on claque les nantis. Politiciens en pâte, pompe, whisky, gonze et c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Cracheur de mon sang, émission sur des ponts qui sont. Yeah. Opération coup de poing, section nique tout. Lève ton poing pour la révolution et nique tout. Nique tout, nique tout, nique tout, j'envoie ce fond qui sent toujours le même béton pour horizon. Baisons ce système qui nous mène la vie dure. Fureur de vaincre au fond du cœur. Convaincre et lutter sans peur, accablé de reproches. Pourtant on défend nos proches avant nos poches. Et les moments accrochent le son des canailles mauvais garçons. Tout à fond qui familie, équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait? On vit pas dans des palmerets. T'endors pas, garde un œil ouvert, tiens-toi prêt gamin. La force est dans ta tête, la puissance dans tes mains. Je prétends pas montrer le chemin, mais c'est aujourd'hui qu'on construit demain. Je sème des rimes, tant pis si je passe pour un fada, que je récolte nada. Je reste hip-hop, soldat sans famas. Face devant les liasses, comme le reste de la populace. Mais y'a que dans les rêves que je me retrouve en place. Plus rien au réveil, sous un soleil de plomb. Représente du sud au nord, m'inspire rien du président. L'état d'or sur un tas d'or. Opération coup de poing. Nana, wa ya ya ya ya. Ça c'est Raki, brigadier Mamadi. C'est Raki. Le jour se couche, microphone brèche, FF en live, faut se rapprocher, réalité, la furie, la foi. Faut quel show. Dédicace au faux d'Adré K.O. Daddy Mama dit avec la famille, c'est chaud. Représente la mafia des commandes dans un putain de décor. Qui disait tout fort qu'on était mort. Mis sur la musique en bas parce qu'elle me ramène Patrick. Attends le déclic pour une vie plus chic. Fumée femme, Sim Gouranza. J'pourrais vous dire la musique de France. Changer la tendance, car oui, plus de chance. FF nique le show, tu peux crier Kono. Parce que la jeunesse n'a plus le temps de faire dodo. C'est sa rémission, que des bons visants dans les quartiers de demain. Paris Sud, qui représente la capitale, c'est Paris ici. C'est Paris ici. Section d'assaut, le 75 en personne. Évidemment, l'ennemi en face en perso. Mais, Wadibé, et Wadibé, on fait les bails, on attend pas que les mecs nous baient. Section d'assaut, le 75 en personne. Évidemment, l'ennemi en face en perso. Mais, un transfert rap de la Wadibé team, king sans carabine. Un king dans l'art de la rime, à rime, à clic. Toi vers le sommet, te soumets, écrase sur le ring, te reprends de voler. On fait bouger les tauliers, les dollars, cause mal, on traga. Non pas une boucherie d'MC, tout ça gare. Les laisse à terre ou sous terre, voir sur le trottoir. Si tu veux péraga, passe d'abord par le comptoir. Terrier, ça devient au genre rap depuis qu'on y est. Wattipé, c'est la débandade, faut les boucliers, je viens manier. Le but comme l'acier, pourquoi vous riez mes alliés? Sortis des tranchées pour vous fusiller une grande arène. Juste un fusil de mode au grand arrêt, on s'en prend d'arrêt. Guerrier, d'aille même pas de ceinture, on sait quoi les règles. Baisse balayeuse, remonte en pantalon, toujours pareil. Guerrier, section mon bataillon. Ça c'est ma clip, PD si tu crois me kill. Fais-le, faut que tu t'appliques. Bellec, si tu me rates, clique, t'aide. Y'a la technique, elle est. Face pour te kill, l'idée qu'on rapplique. Des blessants, tu l'intempéries. Vaut mieux obtempérer, garçon, ton flow périte. C'est qu'on compte l'enterrer, vivant ton groupe pourri. Dans le canal 4 cadavres, vous cousu en 4 gardas. J'ai placé 4 galas et des snipers en 4 cavales. Paris Nord, qui veut la peau de mon crew? Qui veut la peau de mon crew? Qui veut la peau de mon fucking crew? Qui veut la peau de mon fucking crew? On m'a pris très bien, ouais. Qui veut la peau de mon crew? Qui veut la peau de mon? Qui veut la peau de mon fucking crew? Qui veut la peau de mon crew? Qui veut la peau de mon fucking crew? Je suis sûr que ça y est, on y est. À l'époque, tout ce qu'on reniait, la bise du showbiz. Souvenir pote avec les cons d'hier. Se compromettre au point de foutre le rap en péril. De contre-culture, on a passé un art stérile. Et ça fait flipper de voir que nos tripes se résume aujourd'hui à des singles. De plus en plus formaté jingle. Arrête de me dire que c'est ce qu'ils veulent. Ça me saoule. Ouais, ça, il faut qu'on garde l'âme saoule. Quitte à entretenir au fond la flamme seule. Qui veut la peau de mon crew? Qui veut la peau de mon? Qui veut la peau de mon fucking crew? Qui veut la peau de mon crew? Qui veut la peau de mon fucking crew? On m'a pris très bien, ouais. Qui veut la peau de mon? Qui veut la peau de mon? Fucking crew. Qui veut la peau de mon? Qui veut la peau de mon? Qui veut la peau de mon? Fucking crew. Je suis reste blédard, débrouillard, je t'annonce. Amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe éco, Dielou, le sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. Comme au casino, comme dans le casino. Sur la table les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine, on sait qui part au boulot. Avec une mauvaise mine en pensant à Deauville. Qui soucie du gouvernement. Toujours les mêmes qui mentent ou passent de sales moments. Plein d'œil au garnement. Allô, allô. Appé, ouais, là où y est. Place de la Ligue. Mais qu'est-ce que tu fous là? Allô, j'entends plus rien. Allô. On va toujours au sommet. Quand on s'y met au sommet. Sur le ciment, sur les champs de cannabis. Sur tout terrain numéro 10. Avec le cœur on s'en mêle. Pour les mecs bourrés de vie, sous les novices. Comme nos quartiers au risque actif, comme la balistique, comme un speed sans musolière. On se balade dans 10 minutes, je me casse. Dans la 40 piste, spécial autre. Quand je vais arriver, je vais plier. Deux doigts dans la prise et deux pieds dans la crise. Au summum, le ghetto et la cerise. Comme une arme bien huilée. Avec du charisme, on prend blé au blé. Yes, papa, j'ai déjà, tiens ça c'est cadeau. ça va être froid. Rajoute du coup, man, t'es coupé, fais comme chez toi, gars. T'es coupé, DJ, perds pas une seconde en DJ. Faut que tu lâches la bombe, c'est yes. Yes, papa. La foule le presse, j'ai déjà. Y'a faux, lâche ton dernier pas de chance. Si tu glisses, t'as vraiment pas de chance. Eh, hey, mon gobé, toutes les fans à cette boîte, ça s'appelle laisse-moi de la vie. Eh, mon tueur. Pige, ça m'a pris du fer. Des travaux sur la ligne. Son patron l'a laissé repartir plus tôt. Redouane sauta dans le premier métro. Il a acheté un bouquet de fleurs pour les vides sous terre. Il pousse à la porte d'entrée. Tout sa femme en train de se faire foutre. Vous connaissez la suite, suite, suite. Du sang sur les bras, des clics, des clics. Vous connaissez la suite. C'est pas pour les mineurs. J'arrive de l'ouest en CLS. Des morceaux de fesses de sous les spinners. Déposé dans la street par une cigogne. J'en ai déjà la trique. Venez me test que je rigole. Muet comme un rat mort, libéré à tort. Petit prince du hardcore. J'démarre au car comme un raptor. J'suis tatoué, j'vais mourir avec. Un flingue dans la cervelle, j'me nourris avec. L'état fait tout pour nous oublier. Si je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Ouais mec, bidon d'essence allumé. Tu vois pas clair, ça m'en fusil à lunettes. Je fais plus de bif qu'au TRC. Calimero se plaint moins, la coquille percée. Crack musique, grosse dose dès le départ. MC, toi et moi, trop de choses qui nous séparent. Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser, cracher du pif. Pas d'embrouille man, pas de litige. Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges? Arlène, j'prends 2, 3, 4, 0, 6. On va te péter le go, 6 à 3 parce que t'es trop balèze. C'est le bon son de Poulby. Mythoman pour les fans, accroupis pour les groupies. Boulogne, Aubervilliers, garche les gonnettes. Crier les flics et les putains me reconnaissent. Ne me tente pas, j'aime trop l'oseille pour être honnête. J'suis venu vous gifler, dédicace. Quoi que t'en dises, on persiste et on lâche pas prise. Quoi que t'en dises, les 4 saisons même en période de crise. Quoi que t'en dises, pour l'an 2000 on compte doubler la mise. Quoi que t'en dises, on aime poser sans raconter de bêtises. Hey, quoi que t'en dises, le rap on s'y attache, souvent on s'y fâche. Mâche pas les mots pour faciliter la tâche. Quoi que t'en dises, on continue sans flamber, on met les choses en place. Et si les foires, il reste le plan B. J'pars pas à part, pas à part, hasard à part. Aux grandes occasions, genre Mercury demande à Caro. On part de rien et on est sous contrat. On veut bien être correct, mais faut pas que les DA se la contrat. C'est contre ceux qui nous ralentissent qu'on lance une offensive. Paraît que nos récits sont corrosifs, nocifs. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? De toute manière, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien. Et il suffit d'un rien pour qu'on y croit. Quoi que t'en dises, ouais, la vie pour nous c'est pas peinard. Quoi que t'en dises, y'a peu de vernis et peu de peinard. Quoi que t'en dises, un peu partout c'est le même scénar. Quoi que t'en dises, y'a que des histoires qui nous ont quémas. Hey. Parti de rien, ça fait pas de moi le chien, le toutou. La rue, j'en reviens, j'aimerais lui faire un dernier coucou. La vie est courte, dangereuse et loin d'être parfaite. Ce quotidien me lâche, il faut minimum 20 barres par tête. Ah, j'm'en bouge pas, ça monte jusqu'à la soute. Y'a gorge, mon dieu, où stop. Ah, pour la du vrai hip hop, tu le sais. De la phase basée sur des thèmes sensés. Tu sais que c'est censé être un sens interdit. Pour les sous-doués, j'suis trop doué. Tu sais d'où est venu mon aspiration. D'où es-tu pour ne pas avoir qu'après ma section. Tu sais que si on s'excite, on active le piston. Père te pardonner, toi son unique fiston. Satisfaction, mon pays c'est que tu sois content. Que tu prennes du bon temps, surtout si chèque ça en fait longtemps. Donc kiff, me respecte et n'oublie jamais mon grand. Que si aujourd'hui je pèse, c'est que je fais mon job à plein temps. Ouais, c'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, là, je fais mon job à plein temps. Tu sais, ah, je fais mon job à plein temps. 24 sur 24, mon grand, je fais mon job à plein temps. C'est vrai, je fais mon job à plein temps. Tous les jours, là, je fais mon job à plein temps. Ah, je fais mon job à plein temps. Et puis, en plus de ça, mec, tu sais que dans le milieu, on sait qui je suis, ouais. On sait ce que je fais, on sait que ma répute dépasse les frontières. Frère, c'est affreux, t'as foutu des fronts pleins de sueur. Sauter à des frappes, spitter et ensuite pleurer. De rage? Non, de douleur, t'as vu ma couleur. Si on voit un bleu sur moi, c'est que le mec y a été de bon cœur. En plus, je suis pas assuré contre les coups et blessures. Je roule avec le barbale pour pas se faire trouer, c'est sûr. Et si les gens savaient les risques que je prends pour leur faire plaisir, ils pourraient au moins dire merci une fois. Un peu de reconnaissance, tu sais, ça fait pas de mal parfois. Mais en même temps, musique c'est de la balcon. Les gens savent leur soif que Buzz a flex fait son putain de job à plein temps. Comme un samouraï, on y a qu'à toi qu'on a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les dents grincent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde, merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un caille, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby, car grandit entre le fer et la foi. La foi, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui. Un billet pour le manège, gratuit, verrouillé. La nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule quête, les pépettes. Quand t'as les sous, tu drives une 720 et tu touches des seins en lutte. Souvent on bute sur le pied du voisin, espace restreint. On gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches. Les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans dépaguer. Ça peut gâcher la soirée, j'ai combattu. J'ai eu mon heure, mon jour, je verse, verse. C'est pour ceux qui attendent leur tour et ceux qui ne rigoleront plus. On verse ta... C'est l'hystère, fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au début. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. Oh, ça vient de Sunny. Mais non, ici c'est... Oh. Sunny, Sunny, fond, fond du fresh. Sunny, Sunny, fond, fond du fresh. Dans la reine, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, négro, pas besoin que j'en fasse. C'est moi la voix qui fit ta tessie dans tous ces états. Tu kiffes pas, Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit, j'lâche pas 9-3. J'suis le droit avec un fond bestial. Ça c'est le sinistère. C'est le sinistère. C'est le sinistère. C'est le sinistère. Oh bébé, c'est le sinistère. Faut donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au début. Eh oh, ça se reconnaît au début, baby. C'est la génération Frankie Tachini. Pas de chichi, pas de chippy. Si tu dérapes, on te chie dessus. C'est le sinistère. C'est de la bombe, bébé.